L'Institut du désarmement et de la paix du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 12 février un rapport commémoratif sur les exploits accomplis par le général Kim Jong-il pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le reste du monde. Le rapport indique « Le général Kim Jong-il a prévenu une guerre dans la péninsule coréenne ». Conscient de sa noble mission assignée devant le sort du pays et de la nation, la paix et la sécurité du monde, le général a maintenu fermement la ligne révolutionnaire de Sun Gun et pratiqué sur tous les plans la politique de Sun Gun. Grâce à la direction dynamique du général déterminé à renforcer à tout prix la capacité de défense nationale, l'industrie de guerre de la Corée s'est consolidée davantage pour l'autodéfense nationale. La capacité de défense nationale puissante assurée par la politique de Sun Gun est devenue une garantie capable de déjouer les menées d'agression des impérialistes et de préserver la sécurité de la patrie et le rempart du socialisme. Notre République a recouru à la force militaire puissante assurée par le général pour ainsi neutraliser la pression militaire accrue et les actes d'agression des États-Unis et de leurs suivistes. En 1993, les États-Unis ont livré les exercices de guerre téméraires à tel point qu'une guerre nucléaire risquait d'éclater à tout moment dans la péninsule coréenne. Le général a fait échouer la tentative d'agression américaine par les mesures catégoriques, proclamation de l'état de quasi-guerre et retrait du TNP. Notre armée a réagi résolument à la témérité des États-Unis et des autorités militaires sud-coréennes qui exacerbaient extrêmement la situation en introduisant des armes lourdes dans la zone démilitarisée de la ligne de démarcation militaire en violation de l'accord de cessez-le-feu en avril 1996. À la fin de 1998, les États-Unis ont rendu public en détail le plan de frappe préventive plan d'opération 5027. Nous avons lancé la déclaration qui disait que ceux qui osent nous toucher n'éviteront pas nos frappes tant qu'ils resteront sur notre planète et manifester réellement la capacité militaire contre la tentative d'agression des ennemis. Le général a pris la décision stratégique d'opposer des armes nucléaires aux armes nucléaires. Suivant cette décision, le 10 janvier 2003, le gouvernement de notre République a mis en valeur le retrait du TNP en suspens pendant 10 ans pour la prise de la mesure résolue d'autodéfense. En octobre 2006, 3 ans après le retrait, a eu lieu le premier essai nucléaire souterrain et le deuxième en mai 2009. Par l'effet de la dissuasion de l'arme nucléaire de notre République, le danger de guerre a diminué considérablement dans la péninsule coréenne. Grâce au général qui a multiplié les forces militaires autodéfensives axées sur la dissuasion nucléaire et qui a déjoué toutes les provocations de guerre des États-Unis, la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde ont été préservées. Le général a amené lucidement le gouvernement de notre République à proposer des projets justes, équitables et réalistes pour la paix durable dans la péninsule coréenne et dans la région et à prêter des efforts constants pour leur réalisation. Le gouvernement de notre République a continué de dépenser ses efforts pour l'instauration d'un système de garantie de la paix permanente. Le prouve, entre autres, le projet de conclusion d'un accord de paix coréen-américain en mars 1974, la proposition en avril 1994 pour un nouveau système capable de prévenir une nouvelle guerre en Corée et d'assurer la paix durable dans la péninsule coréenne, et le projet de conclusion d'un accord provisoire coréen-américain en février 1996, version plus détaillée de la précédente. Le 4 août 1997, le général a affirmé l'attitude de principe qui consiste à réaliser la réunification du pays par voie pacifique sans recourir aux forces armées et déclaré qu'à cette fin, les États-Unis doivent abandonner l'hostilité à l'égard de notre République et conclure un accord de paix avec elle pour établir un nouveau système de garantie de la paix dans la péninsule coréenne. Lors de sa visite aux États-Unis en octobre 2000, l'envoyé spécial du général a publié le communiqué conjoint qui partage les mêmes opinions sur l'existence de divers moyens d'atténuer la tension et de remplacer l'accord d'armistice par un système de garantie de paix permanente dans la péninsule coréenne pour mettre fin officiellement à la guerre de Corée. Le gouvernement de notre République a participé activement aux pourparlers à 4, à 6 et multilatérales pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne en vue d'une discussion sérieuse. Grâce à la ligne du général en matière de réunification nationale et à son dessein pour la paix, le nord et le sud de la Corée ont dynamisé des visites, des contacts et des collaborations. Enfin, le sommet intercoréen a publié la déclaration commune du 15 juin en 2000. C'est le programme commun pour la paix et la réunification de la péninsule par les efforts conjugués de la nation. Plus tard, le Nord et le Sud ont adopté et mis en vigueur l'accord sur la prévention des conflits éventuels dans la mer de l'Ouest, l'arrêt de toute propagande et l'élimination de ses moyens dans la zone de la ligne de démarcation militaire, et la coopération est devenue active dans différents secteurs, notamment politiques, économiques et culturels. L'historique sommet intercoréen de 2007 a partagé l'opinion sur la fin de l'actuel système d'armistice et l'instauration d'un système de paix constante et adopté la déclaration du 4 octobre sur la collaboration pour la rencontre de 3 ou 4 chefs d'État directement concernés dans la péninsule coréenne et la proclamation de la fin de guerre. Les exploits accomplis par le général pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde brillent avec plus d'éclat grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un. À l'heure actuelle où la puissance nationale de notre République est plus renforcée et que l'époque demande impérativement l'amélioration des rapports nord-sud et la réunification coréenne, les États-Unis et les pays voisins doivent respecter la position stratégique et la volonté de réunification indépendante de la Corée et y conformer leur politique. C'est le moyen réel pour la paix durable et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région. Grâce aux exploits du général et aux dirigeants suprêmes qui défendent assurément la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde, notre République défendra à l'avenir aussi par ses propres forces la paix et la sécurité de l'État et contribuera activement à la paix et à la stabilité dans le monde.